Si terne, faudrait que j'y berne. Eh, tu fais quoi? T'es en train de chanter là? Oh non, l'autre il est en train de chanter. Mais non, je chante pas là. Mais si tu chantes là. Mais t'as cru, mais vas-y, arrête tes conneries. Non, je chante pas là. Bah si tu chantes, ah, je t'ai entendu, m'étonne pas, tu chantes. J'écrivais des trucs, t'as vu, mais c'est pas. Ouais, t'écrivais quoi? Dis-moi ce que t'es en train d'écrire. Vas-y. Non mais vas-y, chante, fais voir. J'en peux plus, je vais exploser comme une citerne. Il faudrait me couper tout, faudrait que j'y berne. Ouais, non, mais y'a moyen de faire un truc avec ça. Parce que t'imagines par exemple, on met un autotune et tout. Ouais, j'avoue. Ouais, même je pense, tu sais, tu connais Kaïs. Ah, si, si. Je pense qu'on pourrait l'appeler sur le son, ça ferait un truc frais, je pense. Vas-y. Ouais. Bah, attends, vas-y, je l'appelle. Vas-y.